FSI French Revised, Unit 1, Tape 6. Question Drill. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Avez-vous des nouvelles de vos amis? Êtes-vous heureux d'être ici? Quelle heure est-il? Êtes-vous pressé? Pourquoi êtes-vous pressé? Où allons-nous déjeuner? Le restaurant est-il bon? Est-il près d'ici? Avec qui allez-vous déjeuner? Response Drill. Demandez à monsieur s'il est en retard. Monsieur, êtes-vous en retard? Répondez que vous êtes pressé. Je suis pressé. Demandez à monsieur pourquoi il est en retard. Monsieur, pourquoi êtes-vous en retard? Dites que vous ne savez pas. Je ne sais pas. Demandez à monsieur où il va. Monsieur, où allez-vous? Dites que vous allez déjeuner. Je vais déjeuner. Demandez à monsieur s'il va au café de Paris. Monsieur, allez-vous au café de Paris? Dites que Jeannine et vous allez au restaurant. Jeannine et moi allons au restaurant. Dites à que le café de Paris est très bon. Le café de Paris est très bon. Demandez à monsieur où il est. Monsieur, où êtes-vous? Dites que vous êtes au café. Je suis au café. Demandez à monsieur quelle heure il est. Monsieur, quelle heure est-il? Dites qu'il est 1 heure. Il est 1 heure. Dites-moi que votre sœur est en vacances. Ma sœur est en vacances. Demandez à où elle est. Où est-elle? Dites qu'elle est à Lyon. Elle est à Lyon. Demandez avec qui elle est. Avec qui est-elle? Review Drills. Review Drill 1. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de faire votre connaissance. Ils sont heureux. Ils sont heureux de faire votre connaissance. Mon ami est heureux. Mon ami est heureux de faire votre connaissance. Il est heureux. Il est heureux de faire votre connaissance. Mon frère est heureux. Mon frère est heureux de faire votre connaissance. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux. Je suis heureux de faire votre connaissance. Review drill 2. Je ne sais pas s'ils sont en vacances. Je ne sais pas s'ils sont en vacances. S'il est en vacances. Je ne sais pas s'il est en vacances. S'il est en retard. Je ne sais pas s'il est en retard. S'ils sont au café. Je ne sais pas s'ils sont au café. S'il va au restaurant. Je ne sais pas s'il va au restaurant. S'il va à Paris. Je ne sais pas s'il va à Paris. S'ils sont à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont à l'heure. S'ils sont avec eux. Je ne sais pas s'ils sont avec eux. Review drill 3. Je ne sais pas si elles sont en vacances. Je ne sais pas si elles sont en vacances. Si elle est à Paris. Je ne sais pas si elle est à Paris. Si elle est au restaurant. Je ne sais pas si elle est au restaurant. Si elle va être en retard. Je ne sais pas si elle va être en retard. Si c'est un bon restaurant. Je ne sais pas si c'est un bon restaurant. Si le café est près d'ici. Je ne sais pas si le café est près d'ici. Si elles sont ensemble. Je ne sais pas si elles sont ensemble. Si elle va déjeuner. Je ne sais pas si elle va déjeuner. Si les livres sont ici. Je ne sais pas si les livres sont ici. Review drill 4. Tutor. C'est bon. Student. Oui, je sais que c'est bon. C'est ici. Oui, je sais que c'est ici. Il va à Paris. Oui, je sais qu'il va à Paris. Elles sont pressées. Oui, je sais qu'elles sont pressées. Il est en vacances. Oui, je sais qu'il est en vacances. Ils sont anglais. Oui, je sais qu'ils sont anglais. C'est près d'ici. Oui, je sais que c'est près d'ici. Elle est pressée. Oui, je sais qu'elle est pressée. Ils sont en retard. Oui, je sais qu'ils sont en retard. Review drill 5. Dites-moi que vous êtes pressé. Je suis pressé. Dites-moi que votre frère est pressé. Mon frère est pressé. Dites-moi de fermer la porte. Fermez la porte. Dites-moi que je suis en retard. Vous êtes en retard. Dites-moi que vous êtes avec eux. Je suis avec eux. Dites-moi qu'ils sont près d'ici. Ils sont près d'ici. Dites-moi de parler plus fort. Parlez plus fort. Dites-moi que vous n'y manquerez pas. Je n'y manquerai pas. Dites-moi que vous êtes heureux de faire ma connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. This concludes Unit 1.